Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle édition de Sans pleurer, sans reproche, c'est le numéro 1223. J'avais préparé un petit texte en me disant, voilà, c'est la rentrée, c'est la deuxième, mais c'est comme si on n'avait jamais arrêté. Mais faut se remettre un petit peu à l'utilisation des machines de Galaxy Radio. Ouais, Donc ah oui, bienvenue à tous, welcome, et on repart pour 2 heures de programme, comme à la bonne époque. Une sélection de la semaine, bien sûr, choisie, et ce sera le nouvel album de Shiny Darkness, Attractive. D'ailleurs, le groupe est avec nous ce soir pour parler de ce nouveau concept album autour du voyage. Et d'ailleurs, ils ont également une date de concert à la clé. On vous raconte tout ça d'ici une heure et avec un second extrait. En ce qui concerne le titre qu'on vient de s'écouter de Shiny Darkness, c'était le titre Jetlag, extrait de l'album Attractive, hein, un album assez surprenant. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Ils sont en dehors un peu des sentiers battus, mais ça, c'est un petit peu la force de Shiny Darkness. Ils nous poussent à découvrir de nouvelles sensations. Alors, toujours dans l'aérodynamisme, je te propose de poursuivre avec le rappel de lundi dernier. Ouais, c'était l'album Déclacte, volume 1, des Américains de Clack. Et ils ont eu la superbe idée d'inviter des remixeurs qui ont dû se régaler sur les titres de Clack. Il y a Patrick Codenis, Assemblage 23, Physical Wash, Null Device, Andrew Sega de Iris, y a Sweet Boys, Seeming, Damascus Knife et Visceral Anatomy. C'est vraiment excellentissime et très très varié. Là, je vais vous passer le morceau de Discipline en Visceral Anatomy Mix. Et quand on fera des soirées, vous allez l'avoir dans les oreilles. Et clac. Et clac. Rising, I was going to drop. Feel the pressure rising. to the Chinese web. She works very hard there, sipping her cocktails. Expenses paid. Love, love. She's performing for a cause. Her glass is faking, as if a simulation. She wants information. No one. C'était en tout premier les Américains de Clack avec le morceau Discipline en Visceral Anatomy Mix. L'album Declacked, volume 1. Ensuite, c'était la belle Emily Ron. Elle cartonne cette année avec deux belles collaborations. La première étant celle avec John Fryer pour son dernier album. Et au mois d'août, elle collabore avec Jean-Marc Lederman de The Weathermen pour un single qui s'appelle Watch Out. Il y a des remixes de Assemblage 23, Mark Hawkins, qui est un ami de Jean-Marc Lederman. Et il y a aussi Klaus Larsson, qui signe le remix le plus dynamique que j'ai passé donc ce soir. Et pour finir, on a terminé cette séquence avec une promo qui nous vient d'Italie. C'est l'agence de promotion Metaversus qui nous l'envoie. C'est une sacrée mélange d'influences qu'on diffuse jamais dans l'émission, ou presque. Il y a de l'Italo Disco, de l'Indie Dance, du New Disco et un petit peu de synth-pop. Et contre toute attente, j'adore l'album de Milano 84. Il s'appelle Monochromatique. Bah ça y est, tu te rends en jeu dans... Bah ouais, dans, écoute, tu me convaincs. Club, hein. En fait, ce sont deux producteurs italiens assez reconnus dans leur pays. Ils s'appellent tous les deux Fabio et arrivent parfaitement à combiner des éléments ultra simples avec une voix en général féminine. C'est un must dans le genre, je vous assure. D'ailleurs, je suis certain que tu vas fondre, Greg, parce que quand je vais te filer l'album, tu vas braire. J'aurais pu le diffuser en sélection de la semaine, mais moralement, je n'en suis pas du tout. Bah, t'aurais dû me passer la main. Ouais, ouais. On a reçu la version totalement promotionnelle avec une dizaine de remixes supplémentaires. Là, je vous ai diffusé le featuring avec Eugène, qui est une voix masculine. Ce n'est pas mon préféré, mais le plus en raccord avec la prog habituelle de l'émission. Et en plus, comme je l'ai dit, ça vient d'Italie. On nous fait un petit raccro avec Gianluca. Ma buena. Buena musica. C'est espagnol ce que tu dis. Musicum. Granteum musicaum. Et vous avez reconnu cette voix? Eh oui, je vous laisse un instant, quelques secondes pour s'imbiber à nouveau de l'album Attractive. On va parler de cet album avec Seb et Gianluca qui sont avec nous ce soir. Place un peu à quelques secondes de musique et après on passe à l'entrevue avec Shiny Darkness qui ne sont jamais venus ici, c'est la première fois. Voilà quelques petites notes de musique issues du dernier album en date de Shiny Darkness. Pour accompagner notre entrevue avec Seb et Gianluca, je vous ai fait un petit montage avec des extraits de cet album, notamment le titre The Journey ainsi que Voyage Épilogue. Bonsoir les Shiny Darkness. Salut à vous. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, vous avez l'air d'avoir la pêche les gars. Oui. Là, ça y est, on nous a enfin lâchés. On peut revivre normalement. Ah oui, on sort tous de cette saloperie de période du Covid. On reprend les bonnes habitudes, dans tous les sens du terme, puisque bientôt, il y aura également un concert de Shiny Darkness. Mais bon, pour l'instant, parlons de l'album Attractive, ouais. Qui est un concept. Ouais. Alors, c'est autour du voyage. La seule chose qui a été sympa pendant le lockdown, c'est qu'il fallait s'occuper, quoi. Donc, ça a permis d'aller gratter, de chercher un nouveau concept. Comme on aime bien explorer des petites choses à droite à gauche. Et en gros, oui, The Journey, le premier morceau, fait 44 minutes. Et dans la deuxième partie du CD, en fait, on retrouve quelques morceaux qui sont extraits de The Journey pour avoir une écoute plus traditionnelle. Ce qui fait que, bon, quand on n'est pas pressé, ben, on prend notre temps. Alors, quand on est pressé, on va directement sur les morceaux. Bah justement, ce concept assez original. Et intéressant, en fait, il est beaucoup plus clair expliqué là ce soir que la première fois que tu me l'as expliqué. Alors, à quelle heure je te l'ai expliqué? Et avec qui? C'est ça le truc. Et cette idée, tout à fait originale, c'était venu comment, pourquoi Alors j'ai écouté pas mal de musique ces derniers temps, parce que j'avais beaucoup de temps pour essayer d'aller chercher à droite à gauche. J'aime bien les sources d'inspiration diverses et variées. Et il y a un album qui fait partie de mes albums préférés qui s'appelle le 666 des Aphrodite Child, qui est un album de 1970. Ouais. Donc là, on est vraiment pas du tout dans les Aphrodite Child qu'on connaît avec les morceaux Tears, machin, tout ça. Là, c'est un album très conceptuel qui reprend alors des notions de la Bible, des trucs. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le flow. Et on est sur une histoire. Ça raconte une histoire. Et si vous connaissez pas cet album, allez-y. Alors accrochez-vous. Allez-y doucement, mais c'est top. Ah ok, je comprends mieux. Du coup, cette influence. C'est vrai que t'as été, vous avez recherché peut-être à renouveler le son de Shiny Darkness. En tout cas, ajouter toujours une petite touche totalement différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'avant. Et quelque part, nous imposer justement une influence que nous, on ne connaît pas parce qu'on est d'un milieu un peu obtus, fermé parfois. Oh non, d'ailleurs ça, vous me recevez. Non, mais justement. Et voilà, en fait, pour résumer, vous m'avez fait découvrir quelque chose d'autre grâce à votre musique. Ah bah c'est cool. Et ça m'a intéressé. C'est cool. Bon après, on verra si ça reste dans le temps. Ça, c'est une autre expérience. Donc, en micro, tu nous expliquais tout à l'heure que il y a toute une sortie, un merchandising autour, ouais. Le CD et notamment les vinyles qui marchent très très bien. Ouais, les vinyles explosent. Bon, après, c'est la tendance générale, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est plutôt pas mal parce que c'est un vrai relais. On a vu depuis la sortie des premiers albums de Shiny jusqu'au dernier qui était Generation X, une espèce de course à la chute du CD. Là, grâce au vinyle, on est en train de repartir sur les supports physiques, mais de façon assez phénoménale. On rattrape pratiquement les CD. D'ailleurs, je vais en profiter pour donner l'adresse de votre Bandcamp. Hein. C'est tout simple, c'est shinydarkness.bandcamp.com. Et là, vous avez toutes les dernières productions disponibles pour les plus anciennes, non plus en vinyle, parce que tout alors, est sold out à chaque fois. On a fait des éditions. Alors là, sur les vinyles, non, on n'a plus. Ben même sur le dernier album, on n'a plus grand chose. Et on va être obligé de faire une nouvelle réédition avec une pochette un peu surprise. On devrait faire un post dans les jours qui viennent pour montrer un peu aux gens. Dans le merchandising, est-ce que vous avez d'autres idées, des choses assez aussi originales qu'attractives notamment? J'ai pensé, parce que nous, à Sampleur, on a un grand manque. En fait, on n'a plus de verre de bière. et je voulais savoir si... Écoutez, mon capitaine, reçu fort et clair. Non, bien sûr, je plaisante. Et en fait, on va revenir tout simplement à la conception de l'album. Tu me disais qu'il était réalisé durant le confinement. Oui. Et donc, un concept avec un premier titre de 40 minutes, c'est ça ? 44 minutes, oui. Et ensuite, des titres plus détaillés par la suite. Mais tu me dis, il n'y a pas tous les morceaux qui sont dans le The Journey ? Non, parce qu'on est allé jusqu'au bout du concept. En fait, The Journey, en anglais, donc le voyage, ça se rapproche de la philosophie de l'Odyssée, en fait. Quand on va voyager, ce qui est important, c'est pas la terminaison, la finalité, c'est toute l'expérience acquise pendant le voyage. Donc suite à ça, forcément, une fois qu'on a tiré les morceaux de cette fameuse partie de Journey, il faut le terminer. Donc jet lag, le décalage horaire, avec les expériences qu'on a eues, il y a les bonnes et les mauvaises. Et puis, il y a le voyage épilogue qui fait qu'on va terminer l'histoire en s'apaisant et en buvant une bonne bière, avec des verres sponsorisés par... Et je pense à un truc, mais quand vous vous réunissez, c'est un vrai voyage, hein, parce que Gianluca vient d'Italie, Kate de Grèce. Olivier est de Grenoble. Ah. Bon, c'est moins épique, mais quand il est dans la montagne, il y a des vaches et tout, c'est la fête. Hein. Ah, c'est vrai qui plus est, en plus, les voyages nous ont bien manqué là, pendant le confinement. Ouais, je crois qu'indirectement, il y a eu une espèce de transfert psychologique sur on veut bouger. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc l'album est disponible bien sûr sur votre Bandcamp, ça on l'a bien compris, ouais. Mais est également disponible dans les magasins, les bonnes crèmeries. C'est dispo chez Cultura, c'est dispo chez Bohème Records, c'est dispo après dans quelques bonnes crèmeries parisiennes vinyles, c'est pour vous dire, c'est pour ça qu'on répond un peu la bonne parole. Après, si vraiment les gens veulent voir tout ce qui est disponible, il vaut mieux venir sur le www.shinydarkness.com. là il y a vraiment tout le monde. Ok Walter, je sais pas si tu as un sujet abordé avec, bah oui, avec nos invités. Depuis Generation X, je pense que la mise en place du groupe là, vous êtes bien ensemble là maintenant. Chacun a bien sa place. Alors ça s'entendait déjà sur la précédente, c'est pas ça que je veux dire, mais là j'ai trouvé que c'était... Bah avec Jean-Luca on est bon là depuis, parce qu'on était en train de faire un... Là c'était un, bien fluide, je trouve. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble ? 6 ans. Ouais, 6 ans, hein. Donc ouais. Au bout de 6 ans, là le divorce c'est l'année prochaine. Hein. c'est les 7 ans. Donc, c'est les 7 ans. Et donc combien d'enfants ensemble alors ? Bah écoute, avec Jean-Luca, il est arrivé sur Season 4 à la fin pour les lives, donc en enfant légitime, il y a Auditis, Generation X et Attractive. Ah, il y a quand même du, il y a du level. Ouais. Bravo Jean-Luca. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, non mais puis en plus quand on aime, on s'en rappelle pas, c'est comme si c'était hier. Quoi, donc, Oui, d'ailleurs, peut-être encore plus que d'habitude, on entend les guitares présentes dans les nouveaux morceaux de Shining Darkness. Et c'est aussi peut-être une manière d'intégrer plus en profondeur Gianluca dans la musique. En fait, Auditis, c'était un album qui était beaucoup plus rock. Donc on avait beaucoup plus de guitares qui étaient présentes, et plus présentes à la première écoute en fait. Puisque là, on a beaucoup plus travaillé sur des sonorités de guitare qui vont s'entremêler avec les synthés. Ce qui était d'ailleurs une partie de plaisir, parce qu'on s'est éclaté à aller fouiller, gratter les effets, tout ce qui fait qu'on aime la musique synthétique en fait, mais on l'a adapté avec des guitares. Également, l'actualité nous mène bientôt vers une date de concert. Oui. Une date qui a été prévue avant le confinement. Je crois qu'à la Brad Cave, ça devait être prévu, puis ça ne s'est pas fait. Non, on devait faire. En fait, on voulait refaire un Ice Synth au moment où on nous a dit c'est bon, on va pouvoir respirer. Ouais, et puis au final, on a repris, je ne sais pas si c'était la nouvelle vague de Jean-Luc Godard. Peut-être penser à Jean-Paul Belmondo au passage. Ouais. Donc on devait reparler de la vague qui est arrivée, elle vient pas, elle arrive là. Bon, on a pris un tsunami dans les dents, il n'y avait plus de concert, on a dû annuler. Et comme on voulait jouer, on voulait apporter quelque chose aux gens, on a dit on va reprogrammer une date et puis on verra bien. Donc c'est le 25 septembre. Voilà, et donc vous jouez seul ou... Non, on a un groupe qui nous fait plaisir de nous accompagner, qui s'appelle Denis Anneli, qui nous vient de Paris. Il est grec, elle est anglaise. Ouais, on voyage toujours. Ouais, ouais. On voyage toujours. Et c'est très sympa, c'est une pop très très colorée quoi. On n'est pas trop dans le, on a besoin de ça, c'est gay, c'est frais. Et le programme de la soirée alors, ça ouvre hein? Alors ça ouvre à 19h. Ouais, premier concert et bah en fonction de l'arrivage, comme si les gens sont là à 19h pétantes, on commencera à 19h05. Oui, en général. Ouais. Non, mais après, bon, on va pas terminer trop tard parce qu'il y a aussi des prérogatives. Alors, je vais tout de suite passer à la partie pas drôle. Pour tous les gens qui souhaitent nous rejoindre pour participer à cette réouverture, le pass sanitaire est obligatoire. Ouais. Donc, ça veut dire ou vacciner double time, sauf pour ceux qui ont déjà eu le Covid une fois. Et pour les autres, c'est test PCR 72 heures. Bon, ça, c'est dit. Maintenant, on peut passer au truc sympa. Sinon, tout se passera super bien. On vous a prévu des surprises. Le voyage, venez avec vos valises. Lesquelles ? Quelle surprise ? Vous verrez, on ne va pas tout vous dévoiler comme Allez, ça. Est-ce que je peux faire une sorte de vision, une devinette ? Vas-y. Est-ce qu'il y aura une tenue de scène particulière ? Est-ce que tu seras en commandant de bord ? Écoute, ouais, là c'est relativement facile. mais j'ai pas de pantalon en fait. Voilà. Bah, comme tous les commandants de bord avec l'hôtesse. Écoute, maintenant que tu le dis, j'aurais dû être commandant de bord. Non mais voilà, on va vraiment axer le thème sur le voyage. On va essayer de vous emmener avec nous, faire voyager. Bon, en général, on essaie toujours de trouver des concepts un peu sur les concerts pour que ce soit sympa. Voilà. Écoute, on a hâte. Ouais. Donc les voyages, il y a plusieurs moyens de locomotion pour voyager. Oui. Est-ce qu'il y aura une autre version plus axée sur les trains ou les bus? Ou le bus. Parce que fait, là, je prépare un remix, ça, je te le dis. Non, non, mais c'est très bien ça, parce que on va se faire sponsoriser par la SNCF, par Air France et compagnie. Il est vieux. Les gars, n'hésitez pas. Oh là là. Non, je dis des bêtises ce soir, mais je suis tellement content de vous revoir. Le Vélib Electro. Bon, puis après, il y a sur le dos de Kate, hein, si vous voulez, pour le locomotion. J'ai une petite question, il y a un nombre de places limitées dans cette histoire ou... Aux dernières nouvelles, on est à 180 personnes. 180 personnes, puisque avec les passes sanitaires, on revient après à la normale. En fait, d'accord. Si on respecte les règles. Donc il n'y a pas de... Tu sais quoi, on n'a même pas dit où ça se passait. C'est pas faux. La Brad Cave, c'est ça. Parce que moi, j'attendais quelqu'un passe un coup de téléphone. Non, mais où ça se passe? Attends, je prends mon téléphone. Oui. Ding, ding. Bonjour, je suis nouveau, je veux savoir. Donc, ouais, ça se passe à la Brad Cave, qui est une salle qui a quoi, 2-3 ans, non? Je dirais 2 ans, mais ils ont pris un seul coup. Ouais, ah bah oui. Ils sont arrivés en même temps que... Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est pareil, hein, on va les aider, ils vont nous aider, on va s'auto-supporter, et parce qu'ils font un travail assez phénoménal aussi, et ils ont réussi à sortir la tête de l'eau. Donc on peut aussi saluer la performance de ces gens qui se démènent pour que la musique puisse continuer à vivre. Par contre, pour l'adresse, je n'ai plus l'adresse exacte. C'est rue. C'est ce qui est très drôle et c'est facile à retenir pour les musiciens, c'est Les Paul. Ça doit être l'épaule en français, mais c'est Les Paul, comme les guitares. Rue Barthélemy. Bah oui, c'était bah oui. C'est le tunnel. En fait, c'est là où t'habites. Ah oui. Le numéro exact, je sais plus, mais c'est donc rue. Mais ça se dit Les Paul ou l'épaule alors? Moi, je dis de l'épaule. Ok. De l'épaule jetée. Allez, ça c'est bien aussi ça. Tu veux pas faire la première partie, Greg? l'opening comme José Garcia. je vais faire chauffeur de salle. Oh, ça me va. Non, bah en tout cas voilà, le rendez-vous est pris. Donc c'est samedi 25 septembre, à ne pas louper. Les Shiny Darkness qu'on va revoir avec beaucoup de plaisir. On va retrouver un deuxième extrait de Attractive tout à l'heure, mais plutôt vers 21h. Dans l'immédiat, je vais vous remercier de votre passage dans l'émission. Si vous avez vraiment quelque chose à ajouter, ça fait du bien. Hein. Ah ouais. Voilà. Franchement. Voilà. Et la prochaine fois, vous restez 2 heures. Parce que, en fait, petite information, les Shiny vont chez notre ami Greg Varum juste après nous. Là, il nous quitte vers 21h pour son émission Synthology sur Fastel FM. Voilà. Oui, bah c'est ça. Et on le salue. Bah d'ailleurs, Greg, viens à Galaxy faire l'émission. Il fera un duplex. Oui, ça peut être sympa aussi. Donc, si vous voulez encore plus de news des Shiny, vous nous quittez un peu à partir de 21h. De toute façon, on a les podcasts. Non, n'oubliez pas les podcasts, les gars. Soyez sérieux. Voilà, je vous propose maintenant de passer à une page de pub. On vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Bah, merci à vous pour l'accueil. Et puis pour la page de pub, je peux te la faire. Les nouveaux verres sponsorisés par Shiny Darkness seront disponibles. Et bisous à tout le monde, à Kate aussi qui n'est pas là avec nous ce soir. Je pense qu'elle nous écoute là. Donc. Salut Kate. Comme elle a fait sa rentrée. C'est en 6e, ça y est. Non, là, elle est en première et seconde. Non, mais c'est vrai, elle est prof d'anglais. Bon, vous avez vu, il y a quand même une vraie joie de vivre dans Sans pleurer sans reproche. Oui. C'est comme à chaque fois, c'est bon d'en prendre le direct. Maintenant, on vous laisse avec vraiment une page de pub et on retrouve la prog de Sans pleurer sans reproche. Merci les Shiny Darkness. Merci. Galaxy. Activation. Allez, après l'entretien avec les Shiny Darkness, on reprend la programmation. J'ai une super séquence à vous proposer. Des nouveautés toutes fraîches reçues ces derniers jours, ces dernières semaines. On va poursuivre avec le français de Electro Synthetic Rebellion, ESR, que vous connaissez. Il a souvent squatté les playlists de Sans pleurs sans reproche. Il est de retour avec un nouvel album vraiment, vraiment intéressant, très pointu. Vraiment à recommander aux fans de la Dark Electro des années 90. L'album s'appelle Into Darkness, on s'écoutera le titre Haunted Grounds. On poursuivra avec, comme promis la semaine dernière, la deuxième réédition du groupe The Hyphen, projet principal du producteur de Celluloid et fondateur de Burnham Product, member U0176. Il vient de m'envoyer le ReSounds, qui est vraiment excellent, toujours dans la même lignée que le précédent qu'on vous a présenté, encore une fois la semaine dernière. Là, on s'enfonce vraiment dans la période de Depeche Mode entre Some Got Reward et Music for the Masses, tout ça avec des sonorités à la Kraftwerk qui décoiffent. Moi, ça me rend vraiment, vraiment très, très rêveur d'écouter ce genre de musique. On va s'écouter le titre Mind Polluted Remix. Et on terminera avec Reaction, un nouveau venu, nouvelle signature du label Out of Line, qui a proposé donc ce titre Nano en version single et vidéo. C'est tout neuf, ça vient de sortir chez Out of Line, et ce sera donc le sommaire de cette prochaine séquence Electro-Synthetic Rebellion, The iPhone et Reaction. just electronic music. We'll be right back. À l'instant, Electro Synthetic Rebellion, le sudiste avec son nouvel album Into Darkness. C'était le titre Haunted the Grounds. Alors, il y a 13 titres d'Electro Indus vraiment furieuses. Il nous rappelle l'épopée 90s avec tous des groupes comme Suicide Commando, Doomscut, etc., etc. Du très très bon. Après The Hyphen et Mind Pollute Remixed, extrait de Resounds. Et oui, après, on enchaîne vraiment les rééditions pour ce projet, donc créé dans les années 90. Tout ça, ça sort chez Boredom Product. Et bien sûr, on vous le recommande comme toute bien la discographie de ce label. Pour terminer, Reaction, un nouveau venu, un newcomer avec Nano. Out of Line a débauché ce groupe au label indépendant, on va dire plutôt Electroshock Records, label allemand également, où Reaction avait déjà sorti un album qui s'appelle Weltall Erde Mensch. Et il y a tout juste un an. Et là, cette année, ça a tapé dans l'œil et l'oreille du label Out of Line et ils ont décidé de le signer. Donc l'album va bientôt être réédité chez Out of Line. Et là, c'est le premier single que propose le label. Donc Nano, disponible également en vidéo. Un groupe basé à Berlin qui prodigue de la robotronic music. C'est un terme, je pense, assez juste. Allez, je vous propose de retrouver l'album de la semaine. Tout à l'heure, nous avions les Shiny Darkness en interview. Je vous propose un second extrait de l'album Attractive. Ce sera la plage titulaire. Vous avez pu un peu découvrir le concept de cet album à travers les réponses de Sébastien. Tout est dit. Je vous laisse simplement vous délecter de ce titre absolument incroyable. Attractive. Shiny Darkness. Race Machine. Galaxy. Salut, c'est Seb de Shiny Darkness sur Radio Galaxy. Truth. Everyone has their own. embrace it and show it. Celebrate it, embrace it and show it. Listen to attractive. Voilà, c'était Attractive, Shiny Darkness, le nouvel album, également ce titre, toujours en autoproduction et en concert le samedi 25 septembre à la Brad Cave à Lille. Je propose maintenant de poursuivre la programmation avec une séquence de Walter. Ah oui, tu verras qu'on va changer un petit peu de registre avec la collaboration entre Anatoly Greenberg, alias Toki, qui fait des petites infidélités à Marcus Paibé en rejoignant Andreas Davids, alias Xotox. Ils sortent un EP qui s'appelle Silence Noise sur Anzen. Je ne vous passe pas le morceau en entier car il fait 11 minutes et il représente assez bien le reste de ce maxi 6 titres rempli de paysages sonores. Ce sera le morceau The Passage. Juste après, on retrouvera de la synth-pop de haute qualité avec No Space. C'est un petit retour sur leur album 2020. Et on terminera avec un bûcheron, tiens, un bûcheron lyonnais, vous allez écouter ça. was one of the hardest days that ended up and we were free. Just for this night, we knew what came, darkness of a summer night. A scent of high and freedom, man. Our heads. It was his summer night for us. I remember until now. We had a freedom of the stars. This night, although this night was a later. I know that was the point. Nothing would be like before. We sat and watched the sunrise. Talked about the life that waits for us. Although we waited for adventures, we don't recognize this night as the last big experience of our youth. It was the last big experience of our youth. C'est les reprises de Sans pleurer sans reproche, deuxième édition de cette nouvelle saison 2021-2022. On rappelle aussi que c'est également la 31e saison de l'émission. Donc, et comme on l'a déjà dit, eh bien, on a loupé quelques anniversaires, quelques fêtes, et on compte bien se rattraper très bientôt. Ah ouais, ça va saigner. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je vais rappeler vite fait bien fait ce qui s'est passé. C'est Anatoly Greenberg et Andreas David avec le morceau de Passage, extrait du nouveau maxi Silent Noise, ça paraît chez Anzen. Après, c'est Nova Space avec Summer Times de l'album 2020. C'est un trio de Leipzig qui signe chez Center Records. On a terminé avec un Lyonnais, c'est Umwelt. C'est un bûcheron lyonnais élevé à la rave music. Il sort un P5 titre totalement instrumental, rétro-futuriste, paru l'année dernière chez New Flesh. C'est la structure autodidacte de Umwelt. C'était le morceau Pioneers from Earth, le P Escape the Future. Eh ben écoute, ce serait pas un petit agenda vite fait bien fait? Ouais, je vois que tu es assez, assez attaché à cette rubrique. Ça fait deux ans qu'on en a pas fait presque. Bon, surtout qu'il y a des bonnes dates très intéressantes. Je vais commencer avec ce week-end, 18 septembre. Il y a le Liège New Wave Festival avec Parade Grand, Apax, Trou Zebra et Raskolnikov. Et en DJ, Gondran. Et quand on parle de Liège, on parle de Jean-Luc Marchal, ouais, qui nous manque énormément et qu'on embrasse fortement. Toujours ce 18 septembre, il y aura le Porta Nigra Festival. C'est Arshot au Clinker. Il y aura Nartmar, Super Dragon Punch, The Psychic Force et Wolf 7. Le 22 septembre, il y aura la Groove Box Summer Session au Bistro Saint-Saur. Alors, c'est complètement, comment je peux dire, à part du créneau habituel de Sampler. Mais vous savez qui sera aux manettes, aux platines. Ce sera nos potes de iBiggie Sound, Sound Pharmacie. Ouais. Donc ce sera une soirée dub et reggae. Donc il y aura Ibing in Sound et Scanlab Records de 18 à 23h dans l'excellent Bistro Saint-Saul. Le 25 septembre, il y aura la Retro House Industry. Ça se passera au restaurant L'Industrie de Saint-André-les-Lilles. Faites attention parce que il y a un nombre limité de places. C'est organisé par Will Turner qui mettra le feu à partir de 23h. Et on l'a dit aussi, le 25 septembre, il y a Shiny Darkness à la Brad Cave de Lille. Toujours ce 25 septembre, une grosse date aussi, il y aura Tote et Calte à Grenoble. Ça commencera 21h précise et en DJ, il y a Dr Body, le célèbre Dr Body. Et il y aura Dark Therapy qui est Ampeline. Moi, c'est bon ça, c'est une belle petite affiche. Ah ouais, carrément. Le 30 septembre, il n'y a plus Peter Hook à Bruxelles, parce que ça a changé, je crois que c'est le 26 septembre. Mais il y aura Original Band à la pause de Villeneuve-d'Ascq, c'est juste en face du stade de foot Pierre-Mauroy. L'entrée est gratuite, vous allez passer une bonne soirée en ce 30 septembre. Et pour finir, le 2 octobre, il y a Ante et We Are Whole People au Der Klinker de Arshot. À Anvers, il y aura Implant et Human qui feront leur release party. Implant, c'est pour leur album Cognitive Dissonance. Je ne sais pas si tu leur suis, Greg. Absolument, oui. Présenté également. Oui, tout à fait. Et l'album de Human s'appelle Polygon Heart. Le prix d'entrée est de 15 euros. D'ailleurs, j'en profite. Petite parenthèse pour remercier Len Lemaire parce qu'il nous a fait un super jingle que je repasserai avec plaisir dans les prochaines émissions. Et il y aura une autre release party en ce 2 octobre. C'est dommage, c'est la même date. Celle de The Ultimate Dreamers. Tu sais, c'est le groupe réanimé par Fred Coton de Bruxelles. Oui, tout à fait, oui. On a reçu l'album, je l'ai écouté. Je vais vous le présenter d'ailleurs assez rapidement. La release partie de cet album, donc de The Ultimate Dreamers et d'un autre groupe, Particule, se passera le 2 octobre au Cali Club de Bruxelles. Entrée 8 euros. Et comment ne pas penser à toutes ces organisations Fantastic Night qui ont bien serré les fesses là, mais qui vont bien ressusciter. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Attention, à Bruxelles, il va y avoir des sacrés trucs. Ça, c'est clair. Bah voilà, bah écoute. Bah moi, je vais me plonger vers le mois d'octobre. Du côté d'Halloween, donc il y aura une soirée spéciale pour les 40 ans de Radio Galaxy. Pardon, Galaxy Radio. Ouais, C'est pas pareil. Où tous les DJ de Galaxy Radio Belgium et France vont se réunir pour une grande fête à la Blomerie. Donc c'est à Courtrai, c'est bien ça. À Moucron, à la Blomerie. Et donc voilà, vous pouvez déjà vous procurer les places pour cette soirée tout à fait spéciale sur le site internet de Galaxy, je pense. C'est galaxyradio.be. Aussi. Et autre date, puisque c'est vrai qu'il y a une belle liste de DJ pour les 40 ans de Galaxy, mais il y aura d'autres DJ qui vont également officier, notamment moi et Walter, qui vont animer une soirée du côté de l'aéronef. On vous en dit pas plus. Voilà, on n'a pas l'affiche finale, mais ça va être vraiment sympa pour Halloween. Voilà pour la rubrique. On peut poursuivre avec une petite séquence. Walter, tu la prends ? Allez, ouais. J'y vais. Tu vas adorer. Ça vient de Belgique, c'est EBM Industriel. Ça s'appelle bien. VV303, qui sort un nouveau EP de titre, qui s'appelle E-Night. Et j'ai sélectionné l'inédit qui s'appelle These Days en Bunker Mix. La pochette est assez surprenante, totalement bardée de latex. C'est paru chez New Body Records il y a quelques semaines seulement. C'est une nouveauté qu'on vient de recevoir, Century. Après VV303, Arif Sali et son EP digital Ghost Rider et le titre Final Destination, qui est une tuerie également. Vous allez voir, il n'y a rien de plus sautillant. Et c'est vraiment planant et sautillant à la fois. Vous allez adorer. Et pour terminer, ce sera Sign avec le titre Desolate District, remixé par Beat Manifesto. On vient de recevoir ça aujourd'hui même. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Ça va vache. These days they start to blend together. These days they start to change.

Activation. À l'instant, on a écouté trois titres. On a commencé avec VV303. C'est le producteur belge de Dista, Steve De Koninck, qui a beaucoup de projets à son actif. Et là, ce VV303, il se régale à nous produire une EBM industrielle vraiment intéressante. On s'écoutait These Days en Bunker Mix, extrait du EP digital de titre qui s'appelle Innight. Je vous passerai la prochaine fois. Très très bien aussi. Une sortie toute récente chez New Body Records. Ensuite, Arif Sali. Derrière ce nom se cache le producteur britannique que l'on connaît également avec son projet Punk's Soundcheck qu'on a diffusé pas mal de fois il y a 2 ans. Voilà, c'est la seconde moitié de ce projet. Il a produit énormément de EP digitaux et participé à des compilations ou des BO de films. Et là, il nous propose ce EP digital, je crois même paru en vinyle. Il s'appelle Ghost Rider et c'était le titre Final Destination qui pour moi est vraiment excellent. C'est trippant, tout à fait trippant. Et pour terminer, c'était Sign, un projet américain de Rona Rogueur qui s'acoquine à l'artiste Chris Connelly pour produire ce nouveau morceau. Sign a déjà produit plusieurs productions et notamment sur son Bandcamp. Et là, c'est proposé par une plateforme promo qui s'appelle UTM Music Group, qui s'est proposée récemment dans notre petit fichier promo. Donc j'ai tout de suite accepté, et là, c'est une bonne surprise. Donc voilà, c'est simplement un single digital complémenté d'une vidéo. La spécificité de ce titre, c'est qu'il est quand même mixé par Midbeat Manifesto. Donc voilà, c'est vraiment un rendez-vous d'artistes tournant autour de la scène électro-indus, metal-indus américaine qui se propose ici. Donc c'est une découverte pour moi et je vous fais découvrir également. Donc Sinus, c'était Desolate District, remixé par Midbeat Manifesto en dub remix. Affaire à suivre. Walter, je te laisse clore cette émission. On va la terminer de fort belle manière avec uniquement 2 morceaux. Mais je tenais absolument à les passer en entier. Le premier, c'est la réunion entre Rhys Fulber et Portion Control. Réunion improbable. Tout ça pour fêter les 25 années du label Sonic Groove. Ça fait 25 ans que Adam X gère parfaitement ce label. Il a toujours su se mettre à la page en invitant des monstres de la scène, mais également en proposant de belles découvertes. Là, sa compilation célèbre son quart de siècle. Il y a Max Durante, Monolith, Maiden, bien sûr, qui est sa petite amie d'ailleurs, Crystal Geometry, Panacea et bien d'autres. Mais surtout, cette collaboration qui me fait hérisser les poils des avant-bras entre Portion Control et Rhys Fulber. Faut continuer les gars, franchement, j'en salive d'avance, ce sera le morceau Dodge the Bullet. Et on terminera avec un petit groupe que je t'ai piqué, Greg, c'est Arno Robotini. Alors là, je pense que c'est franchement le meilleur maxi qu'il ait sorti. Ça s'appelle Shiny Black Laser. C'est vraiment une tuerie. 2 morceaux chantés, l'un en ouverture et l'autre à la fermeture. Et 2 instrumentaux qui déblayent tout sur leur passage. Encore une fois, vous allez les manger en soirée, ceux-là. On passera à la plage titulaire Shiny Black Laser. À la semaine prochaine. Allez, restez bien branchés sur Galaxy. Hello, this is Reese Fulber from Frontline Assembly, and you're listening to Sampler and Sans Reproche on Galaxy FM.